bruit de chaîne que l'entraîne, que l'entraîne, que l'entraîne sur des cailloux. C'est le grand lustre cru qui passe, c'est le grand lustre cru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment pas. Ce grand bruit qui vient jusqu'ici, on dirait un bruit de pierre que l'on jette, que l'on jette, que l'on jette dedans un puits. C'est le grand lustre cru qui passe, c'est le grand lustre cru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment guère, tous les petits gars qui ne dorment. Un pigeon tombe du clocher. Quel est donc ce bruit de branche que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur le plancher? C'est le grand lustre cru qui passe, et c'est moi qu'il vient à chercher. Moi, parce que ce soir je ne dors pas.